J'te promis, n'adik ismiye, smi klami fi rasak marki, dirk fi tari, shufu kudemi, ilak sabrabiye, wildi trabi. J'te promis, n'adik ismiye, smi klami fi rasak marki, dirk fi tari, shufu kudemi, ilak sabrabiye, wildi trabi. C'est compétition.